Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous, c'est l'heure du Blues Café en live et en public. Notre invité de ce soir est un habitué. Si le Blues Café avait une carte de fidélité, il y a fort à parier que la sienne serait entièrement tamponnée et qu'il aurait ce soir droit à son menu gratuit. Oui, absolument, Cédric. C'est un fidèle et il ne l'est pas qu'avec nous. Il l'est aussi avec ses Devil Blues qui l'accompagnent encore ce soir et surtout aussi avec le public qui le lui rend bien. Et avec qui on peut dire qu'il a une relation très forte. Le groupe parcourt les scènes en long, en large et à toute allure, mais il n'omet jamais de s'arrêter ici chez nous, dans le Blues Café, et nous l'en remercions, d'autant qu'ils viennent avec un cadeau, leur tout nouvel album. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Manu Lanvin and the Devil Blues. Yeah. I was born on a stormy day. November rain on my face. I was born the same Saturday. Vous êtes dans le Blues Café Live, notre invité ce soir, Manu Lanvin and the Devil Blues. No, I can change my perception. Ne changez rien, vous écoutez bien le Blues Café Live. Nous sommes ici en direct du Millennium de l'île d'Abo pour l'enregistrement de cette émission. Et nous recevons Manu Lanvin and the Devil Blues qui va nous rejoindre ici autour de ce plateau. Nous allons parler de ce nouvel album Blues, Booze and Rock and Roll. Bonsoir Manu. Bonsoir les amis. Je voulais juste dire que les Devil Blues, c'était Jimmy Montou à la batterie, Nicolas Bélanger à la basse. C'est exact. Alors Manu, ça fait plaisir de te revoir. Ben oui. On n'arrête pas de te voir tout le long de l'année aussi. Maintenant, c'est des rendez-vous quasi quotidiens, quoi. On va devoir prendre une grande maison et vivre bientôt tous ensemble. Encore une coloc. Avec le public, alors, Manu. Même ceux qui n'ont pas pu rentrer ce soir et qui sont encore dehors. Mais ce serait notre rêve. On peut tous prendre un énorme bus tour et se tailler la route tous ensemble. Ça pourrait être un super kiff, non ? La route 61 ? Ou une autre, aussi. On en tenterait une autre. Alors, Manu, c'est ton sixième album, mais comme certains autres, eh bien, il chamboule toujours un peu le précédent. Finalement, c'est un peu un challenge que tu fais à chaque fois. Une balade assez large, hein, tout compte fait, très personnelle aussi, plus rock, hein, il faut le reconnaître, et on aime ça. Un son terrifiant, hein, je ne sais pas où tu as été pêché ce son-là, mais on le devine. Des compos, des textes intéressants, et on va décortiquer d'ailleurs pas mal de ces textes et pas mal de ces titres, et bourré de clins d'œil en même temps. Avant d'entrer un peu plus au cœur de l'ouvrage, finalement, comment vit-on la sortie d'un nouvel album dans lequel on y a mis toutes ses tripes? Et je sais que les tripes, tu aimes les mettre généreusement. Disons que cet album-là, pour la première fois de ma discographie, il commençait à se remplir petit à petit. Les années passent, hein, on vieillit, hein, les cheveux se font blancs et les albums s'accumulent. Et tant mieux d'ailleurs qu'on nous laisse encore de l'espace pour faire ce genre de musique qu'on aime, le blues, le rock'n'roll. Mais à vrai dire, cet album-là, il a été enregistré un peu sur la roue. Donc j'ai pas eu le sentiment de rentrer en studio et que tout ait été laborieux. Ça s'est enregistré assez simplement, je crois, en très peu de jours d'ailleurs. Voilà, Jimmy et moi, on est partis au Maroc, à Marrakech, pour enregistrer dans c'est une pas salle. Très rock'n'roll ça. Ouais, mais la salle, l'endroit où on était rock'n'roll, je peux t'assurer. Et l'idée étant de pouvoir enregistrer dans une même pièce, guitare, batterie, toutes les prises, Jimmy et moi en se regardant, en étant côte à côte, ce qu'on n'avait jamais pu réellement faire sur les albums précédents. Donc on savait déjà ce qu'on allait y faire. Et puis j'ai Nico Bonnière, qui est un réalisateur super, qui est mon pote, qui est le guitariste d'Effet, le guitariste de. Ex-guitariste de Dolly et qui m'accompagne toujours dans ces aventures-là, et travailler avec lui c'est très fluide. Il faut surtout pas forcer les choses, comme il le dit, voilà, il faut prendre les chemins qui nous semblent les plus naturels, et c'est ce qui s'est passé sur cet album. J'ai pas eu donc l'impression de souffrir pour qu'il prenne naissance, cet album, voilà. On va parler de cet album justement, parce que on a eu le plaisir de te recevoir plusieurs fois, donc on a déjà beaucoup parlé de ta vie passée. Si vous ne la connaissez pas, on vous invite à aller écouter les podcasts de cette émission, de ces émissions qui sont encore en ligne. On va parler de cet album et notamment de ce titre que tu as choisi pour ouvrir cette émission, le Blues Café, I Was Born. On a été assez surpris quand on a écouté ce titre, surtout quand on a lu les paroles. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose d'un peu introspectif. Tu parles de toi, vraiment tu te mets à découvert, hein, tu parles de ta naissance. Nous tairons ton âge, mais je crois qu'il y a quelques jours, le 24 novembre, tu as fêté ton anniversaire. C'était l'anniversaire de ma vie, le 24 novembre dernier. Mais dernier, c'est ça. Il y a quelque chose de très personnel dans ce morceau, I Was Born. Oui, il fallait peut-être que j'exorcise certains démons qui tiennent au contexte de ma naissance, et je trouvais que c'était peut-être une explication. Souvent, ma mère surtout s'est toujours inquiétée, et les amis proches, de savoir pourquoi il y avait cette partie sombre qui m'emmenait vers cette musicalité qui est le blues, qui est cette forme d'introspection toujours, ce côté légèrement sombre qui nous accompagne toujours, même si sur scène tout est très énergie, j'essaie d'apporter du soleil aux gens, essayer de leur apporter une bonne humeur, mais malgré tout, le moteur de tout ça, c'est toujours une légère dépression, et c'était intéressant d'aller l'explorer, et peut-être que c'est une explication de pourquoi je me suis dirigé vers cette musique. J'en avais marre d'entendre en fait les gens proches me dire mais comment ça se fait qu'il y ait ce côté un peu sombre chez toi. Donc ça a été ma manière de l'exorciser dans cette chanson. Voilà. Dans cette chanson, parce que d'une manière générale dans cet album, je trouve personnellement paradoxalement assez désabusé. Avec, bon, tu parles des bassesses, des coups de la vie, enfin des choses un peu dures que tu peux peut-être rencontrer aussi personnellement. Mais en même temps, aussi une bonne dose d'optimisme. Mais je crois que c'est ce qu'il faut qu'on se donne tous ensemble aujourd'hui dans un monde qui a le blues. Notre pays a le blues et je pense que moi je le vois. Mon travail, ma mission, à chaque fois qu'on fait un concert ou comme ce soir une soirée, c'est d'essayer de passer tous ensemble un moment à exorciser toute la mauvaise énergie de la journée, tout ce qu'on voit aux informations, tout le mal-être qu'on a aussi, nos problèmes personnels. C'est ça, nous pendant une heure et demie, moi je ne suis pas religieux, je n'ai aucune croyance religieuse. La musique peut-être que c'en est une finalement, mais je pense que c'est quelque chose en tout cas de... C'est une belle communion lorsqu'on est en concert tous ensemble et qu'on arrive tous ensemble à repartir avec la banane. Je me dis que j'ai fait quelque chose de bien dans la journée. Voilà, c'est simple. Il y a un morceau qui est le tube de cet album, Blues, Booze and Rock'n'Roll, qui est un morceau... J'adore le clip parce qu'on vous voit tous dans les rues, c'est ce que tu dis, il y a vraiment de l'énergie, il y a la banane et tout ça. Tu as réuni pas mal de copains d'ailleurs sur cet album, on va en parler aussi des copains, parce qu'il y a Baco Michaelian, qu'on a un très très grand harmoniciste, Gaël Buswell qu'on a reçu ici, Hervé Joachim qu'on avait aussi reçu ici avec le Blues Power Band. Ce titre qui est écrit d'ailleurs par Neil Black, tu as écrit la musique je crois, hein, sur ce titre. Il y a un assez profond décalage entre la musique et les paroles, qui sont quand même assez dures, hein. Tu dis... voilà, vous prêchez des mensonges aux enfants à l'école, vous répandez votre poison, mais vous dites ça en faisant la fête. Ben non, je pense que l'alternative que nous proposons, bon, j'ai l'impression qu'on est retourné un peu en arrière. Dans les années 50, les mecs qui faisaient du rock'n'roll, il faut savoir que tous les courants religieux, je pense aux États-Unis, ils se sont chargés de tailler sévèrement des mecs comme Jerry Lewis, tous ces mecs-là qui faisaient du rock'n'roll, qui effectivement s'inspiraient des chants religieux, des tourneries religieuses, et quand faisaient des chansons d'amour, et ça déplaisait beaucoup à la religion. Et aujourd'hui, moi, quand je vois un mec qui dit à des mômes de 5 ans, l'imam de Brest, dire que faire de la musique, c'est l'objet du diable, que nous allons tous nous transformer en porc et en singe, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Parce que je pense que faire de la musique, c'est juste un acte d'amour. Donc j'aimerais calmer, en tout cas à travers ce morceau-là, expliquer que dans le fait de s'amuser, le fait de prendre des coups, boire une bière, écouter du blues, écouter du rock'n'roll, il n'y a rien de mal à ça. Et malheureusement, au Bataclan, il y a des mecs qui sont venus faire la même chose que nous, on vient faire ce soir, juste, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, il n'y a que des gens qui sont contents d'être là, je suis content d'être là, c'est simple, ça se passe dans un truc plutôt cool, et aujourd'hui on cherche de nouveau à briser ça, et ça me dérange. Donc voilà pourquoi je suis monté au créneau sur Blues, Blues and Rock'n'Roll. Nous recevons ce soir Manu Lanvin and the Devil Blues pour ce nouvel album Blues, Booze and Rock'n'Roll. On parlait juste avant des amis que tu as rassemblés sur cet album. Les amis, tu les as aussi rassemblés il y a quelques temps, on y était, à l'Avignon Blues Festival en octobre avec un concept, une carte blanche à Manu Lanvin, et tu avais invité pas mal d'amis qui marquent ta vie. Dans ces amis, il y en avait un qui est peut-être ton meilleur ami. Je te propose d'écouter un court extrait de ce concert. 5 mètres carrés, bien verrouillés. Family Square. L'eau qui fuit dans les WC. Encore un bol de riz poré. Pour le chicory. Et un seul rêve, avoir la clé. Voilà, c'est un extrait de ce concert à l'Avignon Blues Festival que nous avons eu grâce à Vincent et Thibaut de T&Bo qui étaient là avec leur caméra. Et c'était bien sûr ton papa qui chante avec toi. Et on m'a dit qu'il avait mis quand même pas mal de temps avant de se décider de monter sur scène à tes côtés. Il ne s'agissait pas pour lui que ça soit une obligation, il fallait que ça lui fasse plaisir. C'est sûr que c'est toujours un exercice compliqué, même s'il a l'habitude de la scène, au théâtre, devant une caméra. Mais là, il y avait des gens impressionnants, il y avait Paul Personne. Il y avait Neil Black, il y avait Greg Slapp, Ahmed Moussi, donc des gens qu'on la maîtrise de Sweet Georgia Brown, qu'on la maîtrise de la scène, du vocal. Mais c'est ce que je lui demandais, c'était de refaire ce qu'on avait fait à l'époque sur l'album de Calvin Russell, Dog Eat Dog. Il y avait un morceau qui était 5 mètres carrés que mon père interprétait avec Calvin. Calvin n'étant plus là, je trouvais ça plutôt sympathique qu'un autre Texan, qui est en plus un pote, Neil Black, lui donne la réponse, et qu'à eux deux, on fasse revivre 5 mètres carrés, quoi. Presque 3 heures de show à Avignon, ouais. C'était un gros spectacle. C'est un peu des concerts challenge. Hein. Il y a un fil conducteur, il faut pas le lâcher. Mais en même temps, tout le monde avait un tel enthousiasme à participer ensemble que le temps passe pas. Le temps passe vite. On n'a pas le temps de le voir. Donc les 3 heures pour moi, c'est 1 heure, 3 heures. Tout ça, c'est pas très important. Enfin, je veux dire, je me suis pas dit il reste encore 1 heure à tirer pourvu que ça s'arrête. Non, on avait envie de tous de continuer d'ailleurs. En tout cas, beaucoup d'émotions lors de ce concert, puisqu'on y était, donc Cédric le rappelait tout à l'heure. Mais c'est pas parce qu'on y était qu'il y avait beaucoup d'émotions. Non plus. En tout cas, nous, on avait les poils comme ça. Hein. Mais si, moi je trouve que c'est super que vous étiez là, et je sais qu'il y a des gens qui étaient là aussi. Et parce que, comment vous dire, de réunir tous ces gens-là, d'horizons différents et tout... Ça sera pas tous les jours, quoi. Je veux dire, Sweet Georgia Brown, on espère qu'elle reviendra en Europe, mais vous avez vu, c'est une dame maintenant qui commence à avoir un peu de la bouteille. Et voilà, de voir cette association-là de gens, moi j'étais très fier et content qu'ils répondent tous présents à cette invitation. C'est une belle image. Moi j'ai trippé sur des Last Waltz. Je me rappelle de ce film là où il y a plein d'invités qui arrivent. J'ai toujours trippé en fait dans l'idée de monter une tribu et de partir sur scène. J'ai écouté Joe Cocker, les Mad Dogs et les Englishmen toute ma jeunesse. J'aimais l'idée comme ça qu'une troupe puisse partir qu'avec des personnalités fortes. Je pense aux Mad Dogs, Englishmen, Leon Russell, Joe Cocker et tout ça. Et on a essayé de recréer ça mais à la française et c'était un pari réussi je crois. En tout cas, il y a d'autres gens aussi que tu n'as pas pu faire venir et pour cause, pour certains, mais que tu cites dans un de tes titres de l'album, She's the Bomb, si je ne me trompe pas, où tu cites Iggy Pop, Patti Smith, Janis Joplin, là ça va être difficile de la faire revenir. Hein. Ce titre-là, justement, c'était un hommage. Non, ce titre-là, ça parle du comportement d'une. J'ai une amie comme ça qui a ce côté. C'est une bagarreuse, quoi. Elle est plus mec que mec, quoi. Et ça m'intéressait. Et là, les personnalités comme Iggy Pop, comme Patti Smith, c'est des personnalités fortes, quoi. Donc c'était juste une histoire de faire un lien. C'est une métaphore. Voyons, nous utilisons des métaphores de temps en temps, nous, les bluesmen. Il va jusqu'à utiliser des métaphores, c'est incroyable. Mais Iggy Pop, puisque tu en parles. Cet été au festival de Cognac, tu as joué sur la grande scène et Iggy Pop aussi. Tu as eu l'occasion de le croiser? Ben non, j'aurais rêvé de jouer le même soir, mais moi ils m'ont mis avant Polnareff. Ah mince. Tu t'es endormi? Oh la boulette. Non mais là on peut se faire des ennemis en disant ça. Je veux dire moi Polnareff j'ai peu écouté déjà quand j'étais jeune donc j'ai encore moins de raisons d'écouter aujourd'hui. Il n'empêche que oui c'est un monstre sacré. Il a écrit des chansons magnifiques. Quand on s'intéresse à sa discographie oui il y a des trucs terribles. Effectivement il a un côté génial ce mec. Mais bon j'aurais préféré tomber avec Iggy Pop c'est vrai. Allez on va citer encore des artistes qu'on aime bien eux. J.J. Cale il y a aussi un hommage. J.J. Cale on the radio. Là c'est pareil pourquoi J.J. Cale c'est assez loin de ton univers musical. C'est assez feutré J.J. Cale par rapport à la musique du diable mais, que tu joues. J.J. Cale j'ai quand même écouté ça. Ça s'entend peut-être pas dans ma musique mais ça fait partie des artistes que j'ai écouté toute mon enfance. Qui avait cette manière de chanter, cette manière aussi de jouer de la guitare qui je trouve très personnelle et intéressante. Et j'ai essayé en toute modestie mais de reprendre un peu des chaussons. J'ai dit tiens comment J.J. Cale ferait groover un truc dans le David Blues. S'il devait écrire un morceau, comment il le ferait et je trouve que la musique de J.J. Cale aspire au voyage, à la fuite. On a envie de prendre une bagnole cabriolet, se faire la malle après une histoire de cœur peut-être. Je sais pas, un truc pas cool qui s'est passé et il faut prendre la tangente. J.J. Cale à la radio, je trouve que c'est un bon signe et ça accompagne bien le voyageur voilà, qui veut se barrer vers le Mexique. Enfin, il y a tout ça qui est raconté dans cette chanson. Je trouvais que ça semblait super évident. Quoi. Toi, tu vas partir, mais vers la scène maintenant pour interpréter encore deux titres pour le plaisir du public et du nôtre également et de nos auditeurs. C'est le Blues Café Live ce soir de Manu Lanvin and the Devil Blues. Oh. Carry me away. Let me see your face one last time. Let me see your face on my judgment day. Nul en vain, un de Devil Blues ce soir dans le Blues Café Live. Johnny's a body of Smith. Manu Lanvin de Devil Blues, nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com. Et Manu, avec son chapeau, arrive à la vitesse de l'éclair. Je ne pensais pas que tu allais pouvoir arriver aussi vite avec tout ce monde. On remercie tout le public, on remercie également toute l'équipe du Millennium. Bien entendu, Manu, tu es là pour nous parler de Blues, Booze and Rock'n'Roll, un album qui est entièrement chanté en anglais. On sait que sur les albums précédents, il y avait des chansons en français, que dans tes débuts, tu étais plutôt aussi axé sur la chanson en français. Pourquoi ce choix ? Comme je le disais tout à l'heure, l'année dernière, avec le David Blues, on a continué à faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et on a été amené à jouer dans plein d'autres pays, quoi. On est parti au Portugal, on est parti en Allemagne, en Suisse, où ça aussi, en République tchèque. Que des pays anglophones ? En Pologne, exactement, et encore de temps en temps aux États-Unis. Et on s'est dit que voilà, c'était compliqué de faire tout un concert qu'avec des chansons françaises, même s'il y en avait de moins en moins. Je me suis dit qu'on a une langue universelle, que moi qui m'anime, et cet album, on a décidé de le faire en anglais pour pouvoir continuer à voyager. Non pas qu'on veuille quitter la France, on va continuer à jouer ici, mais on a envie de tenter des aventures ailleurs, juste pour s'enrichir aussi de la vibration des autres. C'est ça qui est intéressant quand on est musicien. C'est la vie de nomade qu'on a, elle se remplit... des regards qu'on croise, des attentions, de tout ça. Donc voilà. On va revenir un petit peu sur cet album, pas forcément pour explorer tous les titres, parce qu'il y en a pas mal et ils sont tous excellents. Je crois que c'est on a trouvé, Cédric et moi, que c'était un de tes meilleurs albums. Mais... le public le meilleur reste à venir, on ne sait pas. Comme... ah oui, mais justement, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on parlait... voilà, c'est mon dernier album, je quitte le David Blues. Et puis ensuite, Manu Lanvin, le retour. Non, mais je crois que c'est vraiment lié. Regardez, le premier Blues Café qu'on a fait ensemble, c'était quelle année ? Imaginez que depuis 4 ans, c'est une moyenne pour nous de 100 à 120 concerts par an. Donc on est beaucoup sur la route. Donc bien évidemment, on s'enrichit de tout ça, comme je disais, de la scène, de comment on teste nos morceaux sur scène. Il y a beaucoup de titres du nouvel album, d'ailleurs on les riffait beaucoup, on les faisait en balance, on en jouait de temps en temps certains aussi devant le public pour voir comment ça prenait. Et donc il est peut-être moins réfléchi, comme je le disais tout à l'heure. Cet album est beaucoup moins calculé. J'ai pas eu l'impression de rentrer en production d'album, j'ai juste l'impression de rentrer et juste prendre une image, comme une photo, voilà. Un instantané de la musique, voilà, comme on voulait, comme on l'entendait, comme on l'a joué au moment où on l'a joué, quoi. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que tu t'es finalement définitivement trouvé musicalement ? Oh là, c'est là. Allonge-toi sur le sofa. Ça fait peur ce que tu me dis maintenant, parce que moi cette recherche-là me plaît, quoi. J'espère qu'on va continuer à aller vers de belles aventures d'albums. Celui-ci, je pense qu'on va beaucoup voyager avec Blues Blues and Rock'n'Roll. En tout cas, on sent que dans cette famille blues rock, tu t'y sens bien. T'as trouvé ah oui, ton non, mais élément. J'ai jamais vu autant de gens qui m'aiment, et donc c'est cool d'être aimé. Ça donne envie de redonner la même chose, c'est super, bien sûr. Alors tout à l'heure, justement, puisque tu parles d'être aimé, et tu parles d'aimer, et tu parles aussi souvent de rencontres dans tes voyages, dans ta carrière. On a parlé tout à l'heure de tous ces gens que tu as fait venir avec toi sur une carte blanche à Avignon, mais sur ton album aussi, il y a des gens. Ouais. Cédric, on a touché un tout petit mot tout à l'heure. On peut rappeler quand même Gaël Buswell. Oui, parce que c'est des gens. Oui. Gaël Buswell, oui, Joachim. Mike Latrell au clavier, qui est absolument remarquable. Aussi, oui, bien sûr. Bako Mikaelian, qui est un type adorable en plus, incroyable. Ouais. Des amis encore. C'est des amis, c'est des gens qui font partie de notre réseau naturel. C'est vrai, on est une belle famille tous ensemble quand même. Parce qu'ils les connaissent, ces artistes dont on parle. Moi, je les croise beaucoup, on fait des concerts, on fait des coplateaux. Et j'avais besoin, surtout dans l'album, il y a deux titres, Raise Your Hands for Peace and Blues, Booze and Rock and Roll. J'avais besoin de support de gens, non pas juste pour faire les chœurs, mais qui se sentent impliqués dans l'histoire que je voulais raconter, voilà, celle de cette forme de morosité et de retour en arrière dans lequel on est. J'avais besoin de gens comme eux, parce que je sais que eux, lorsqu'ils font, et ils vont vers les gens, lorsqu'ils montent sur scène, ils le font avec la même intention que moi. Donc je trouvais intéressant de réunir, on va dire, des cousins ou des compagnons de route sur ce projet, voilà. Il y a également un ami commun, pour le coup, qui est venu également assez souvent ici dans le Blues Café, c'est Neil Black. Ouais. Lui, il y a une vraie collaboration qui s'est instaurée. Tu étais venu d'ailleurs avec Neil Black, tu avais fait une tournée avec lui, ouais. Et là, il co-signe 3 morceaux de l'album. Écoute, c'est super agréable de travailler avec Neil Black en songwriting. C'est du bonheur, je le dis franchement, parce que je pense que la collaboration avec lui au niveau de l'écriture ne va pas s'arrêter à cet album. On s'est trouvé très facilement sur l'écriture, sur les thèmes surtout. Je vous renvoyais là-bas. Il écrit vite, il écrit bien. Il écrit de manière à la fois simple, mais avec des vraies images voilà, que les Américains entretiennent dans leur langage de tous les jours. Et je pense qu'on s'est trouvé, vraiment, c'est très agréable de décrire avec lui. Et je pense qu'on va continuer à faire plein de choses ensemble. On lui dira, puisqu'il vient prochainement dans le Blues Café, Neil Black, pour accompagner une chanteuse lyonnaise, Sophie Malbec, puisqu'il a coproduit son album. Il y a un autre personnage qui signe presque pratiquement avec toi tous les autres titres, ouais, qu'on ne connaît absolument pas, en tout cas Cédric et moi. Il s'appelle Eras Brass. Ezra Brass, ouais, Ezra Brass. J'ai mal prononcé, pardon. Ezra, c'est mon pote, comment dire, moi quand j'ai commencé Mauvais Casting, je crois, l'album Mauvais Casting, il y a 2-3 albums de cela, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'écriture en anglaise. Je suis tombé sur lui, qui est un grand voyageur. Il passait beaucoup de temps en Jamaïque, il a beaucoup traîné à New York, à Chicago. Il traîne avec beaucoup aussi, on va dire, une communauté urbaine, les mecs du hip-hop et tout ça. Donc tout ce qui est le slang et les formules éboniques qu'utilisent ces gens-là, il les connaît très bien. Bon, ça m'a intéressé de travailler avec lui pour cette raison-là. Et moi, quand une histoire se passe bien, je reste fidèle aux gens. Il faut savoir qu'Ezra, malheureusement, il lui arrivait un petit incident technique, hein, donc il est malheureusement plus capable de se bouger et de venir sur les concerts. C'est pour ça que vous le voyez peu. Donc voilà, mais il récupère. Un petit incident au cerveau fait que il est un peu, pour le moment, il a pas tous ses moyens, mais je suis très content qu'il soit quand même sur cet album là parce que c'est les dernières choses qu'on a écrites avant qu'il lui arrive cet incident. Donc voilà, moi c'est des potes, moi j'aime travailler en famille, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'aime travailler en famille. Dans la famille, y a Paul Personne, hein. Tu l'as beaucoup dit lors du concert à Avignon, c'est quelqu'un qui également compte beaucoup pour toi. Tu l'as même piqué son bassiste. Ouais. J'aimerais qu'on dise deux mots. Nicolas Bélanger, de Nicolas Bélanger. Désormais le bassiste de Manu Lanvin, ou les deux à la fois d'ailleurs. Qui est effectivement le nouveau venu dans le Devil Blues, dans lequel officie également notre ami Jimmy, qu'on connaît bien. Polo, il tournait pas cette année. Faut le préciser, parce que c'est pas sûr. Normal, il a plus de bassiste. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc c'est vrai, c'est pas faux. Donc je l'ai quand même appelé. Nicolas, il est libre de faire ce qu'il veut, il est majeur et vacciné. Et puis on se connaissait d'avant, on s'est croisé plein de fois, on a échangé des choses. Et c'est vrai qu'au début, il est juste venu faire un remplacement à la base. Nicolas, c'est vrai, t'es venu faire un remplacement parce qu'on avait un bassiste qui a travaillé sur l'album. Nicolas n'a pas enregistré les bases de l'album, mais il est défense sur scène. Et voilà, le bassiste qui a travaillé sur l'album n'a pas pu prendre la route avec nous. Donc j'ai appelé Nicolas, mais presque au dernier moment, quoi, 2 jours avant de faire la première date. Il a accepté le challenge. Je te cache pas que des bassistes, on en a eu dans le Devil Blues, donc je commençais à être un peu démotivé à l'idée de refaire des répètes, me coltiner les trucs. Mmh. Alors attends, le morceau c'est comme ça. À un moment donné, c'est fatigant, nous qui tournons beaucoup, de retourner en répétition. Les bassistes dans le Devil Blues, c'est un peu comme le batteur dans Spinal Tap. Ouais. Une espèce de malédiction. C'est ça. Mais et Nicolas a rempli super bien le job. C'est du bonheur de tourner avec lui. Et Paul Personne nous a donné sa bénédiction. Donc ça va. En tout cas, bravo, et on peut applaudir Nicolas Bélanger. Et puis en même temps, Jimmy, c'est un peu l'âme aussi des Devil Blues. Hein. Ah ben Jimmy, on a commencé l'aventure ensemble, et il pourrait un jour écrire un livre parce que l'histoire, il la connaît par cœur. Quoi. D'ailleurs, la voiture, il a conduit. Il a conduit la bagnole à deux avec la batterie. C'était serré dans la voiture. Avec la batterie, la contrebasse, on conduisait de manière pas très conventionnelle. Une tête dehors, un mec qui retenait le volant. C'était un peu un rock'n'roll, mais c'était des années magnifiques et l'aventure ne fait que continuer parce que, je veux dire, c'est une histoire à la vie, à la mort, le blues, le rock'n'roll. Donc, mais ces premières années étaient super parce qu'on était totalement outsider, donc on n'était absolument pas attendu. On arrivait sur les festivals, les gens ne savaient pas du tout ce qu'on proposait comme musique. Et c'était très excitant à la fois parce qu'on adorait arriver comme ça. Et on voyait 3 fous furieux sur scène. Il y avait Gabi à la contrebasse à l'époque. C'était dans l'image, c'était assez génial, quoi. Voilà, mais le chemin continue. Et c'est ce que je dis souvent, le chemin est encore. On n'est pas arrivé arriver là où on veut aller, mais le chemin est très ensoleillé. Mais il est grâce aux gens qui nous suivent, mais vraiment. Parce que si on n'était pas porté par le boost des gens qui vous lisent super l'album et qui viennent au concert, qui connaissent les chansons, qui nous reboostent, c'est un chemin de croix à faire de la musique en France. Non, mais il faut le savoir. Il y a plein de jeunes, je suis sûr qu'il y a des parents qui ont des enfants qui font de la musique. Il faut s'accrocher, il faut monter un groupe de rock, mais c'est un chemin de fou furieux, quoi. Mais par contre, c'est un chemin passionnant. Et je pense que d'avoir une vie sans passion, on passe quand même à côté de quelque chose. On peut le tenter. Voilà. En tout cas, ton album, on l'a trouvé très vivifiant. Très agréable, naturellement. Et curieusement, Cédric et moi, on a trouvé que ça se terminait sur un titre assez sombre. Hein. Alors, le titre « Under the Waves », dans lequel tu dis que tu es complètement paumé, en quelque sorte. En tout cas, si j'ai bien compris les paroles. Non, mais on en revient. C'est pour ça que cet album est un peu plus rock'n'roll que blues. Le blues amène à une forme d'introspection, parle de moi-je, pour parler des autres. C'est des thématiques quotidiennes, notre galère, le frigidaire vide, une gonzesse qui se barre avec son meilleur ami. Enfin, oh, que ça arrive trucs, jamais. Non, ça arrive tout le temps, justement, ça le problème. Donc on a des choses à raconter, ça parle à d'autres, mais c'est des sujets très personnels qui sont, que j'ai beaucoup explorés et beaucoup utilisés en faisant appel à ma propre vie à moi, ma propre existence. Il n'empêche que cet album-là, comme je disais, j'avais envie de parler des autres. Je trouve qu'en ce moment, il se passe un truc étrange au niveau de la société, au niveau des points de vue des uns, des autres. Il y a un truc qui fait en sorte de tout nous désunir. Et donc, je trouve que le rock, les riffs de rock'n'roll portaient plus un message pour dire ce que j'avais envie de dire. C'est quand même, il y a des messages positifs là-dedans. Le pont de Under the Waves explique une belle chose. Moi, je pense, c'est ma conviction, je ne suis pas là pour vous gourouser, chacun a ses opinions, mais qu'on est tous unis par la Terre. On est tous unis par la Terre. Tout est recyclé. Je veux dire, on boit l'urine de son ennemi. On respire l'air du mec qu'on n'aime pas. Malheureusement, on est tous liés sur cette Terre. Donc j'ai un vrai souci, moi, avec des énergies qui cherchent à tous nous disperser. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Voilà, c'est ce qui explique Under the Waves. Donc on peut éviter cette histoire-là. Mais maintenant, elle ne tient qu'à nous, quoi, de prendre conscience qu'on vient de la Terre et qu'on retournera là-dedans. Donc voilà, à cogiter, à réfléchir. Voilà, j'ai réfléchi encore beaucoup. Hein. En 2017, votez Manu Lanvin, notre sauveur. Manu, on va te demander de rejoindre la scène du Blues Café avec les Devil Blues. Jimmy Montou à la batterie et Nicolas Bélanger à la basse. Ça va les amis ? Baby, don't you cry. jumping. And the curtain is high. Say we never tried to win. avec la chanson, non? Blues Café, tu l'as ce soir? Come on, yo! Plus fort! Ou encore plus fort! Toujours plus fort! Encore plus fort! Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Voilà, le Blues Café de ce soir était consacré à Manu Lanvin and the Devil Blues pour la sortie de ce nouvel album. Il s'appelle Blues, Booze and Rock'n'Roll. Et Manu, rendez-vous au 7e album, on espère très bientôt. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. Stop the boogie, right? Raise your hands, come on, y'all. All right, shake it, baby, hey, shake it all night long. Shake it, baby, hey, shake it all night long. I like the way you walk. I like the way you talk. sont